vie, folle réfléchir. Folle pas goûter, conseil, mauvais ami. Parce que ouais, je dis ya, ou pas compte demain. Même si toute bagaille, pas marché, j'en tablé. Pas fait du espoir, demain t'as pas plus belle. La vie c'est comme ça, pas souffrir avant gagner. Yon jeune garçon, ka vie, faut le réfléchir. Faut pas goûter, conseil, mauvais ami. Parce que ouais, je dis à tout, pas comme demain. Même si toute bagaille, pas marché, j'en t'appelais. Pas fait du espoir, demain, t'as pas plus belle. La vie c'est comme ça, faut souffrir avant gagner. Bali, Bali. Souffrir avant gagner.